ces belles jeunes filles qui trouvent un chanteur pas mal. Qui sait qu'il y a Pierre le petit prince, pendant que tu fais jeune homme en province. Un Frenchy baby blues pour dire que si je quitte cette fille, pour une caresse bien faite, pour une star de pacotille. Ma vie a tellement changé. J'en vois du monde, mais je regretterais. Les belles de vie sucrées, les brillants marrons glacés, qui regardent quand je dors, encore, encore, toujours fatigué. Les sourires doux et les gentillesses. Fleurs fanées dans un lit de mer. Souvent vraiment la chanson d'amour, celle qui tape fort dans le cœur, celle qui fait velours, velours. Je voudrais que celle-là dure encore un peu, jusqu'à ce que je devienne mort ou bien vieux. today, forgot tomorrow. Duran Duran dans le programme Europe 2 avec Ordinary World. Si vous avez décidé de vous mettre à l'eau, c'est très bien, enfin de vous jeter à l'eau, c'est extrêmement bien et vous allez pouvoir le faire ce week-end puisque pour la 6e année consécutive va se passer dans le bassin de la Villette le Nautique Villette. Le Nautique Villette, c'est des balais nautiques sur scène flottante, c'est des courses de deux chevaux turbo nautiques, ça vraiment je vous assure que ça vaut le coup. Ça s'appelle Deux Chevaux en Folie, il y en aura ce samedi, il y en aura ce dimanche, des démonstrations d'aéroglisseurs et puis des courses d'engins non identifiés. Enfin, libre cours à l'imagination débridée des pilotes et les courses d'hydrojet. Enfin, c'est un véritable show. Ça se passe tout le week-end et c'est à la Villette. Les Pretenders, Brass in Pocket. Got brass in pocket. Got paddle. I am gonna use it. Intention. Got motion, strong emotion. I've been diving, deeper leaning. No visa, just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my side step. Got new skank, sorry. Got something winking at you. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use. J'allais à la fenêtre gâté les bras. J'avais des hauts, j'avais des bas. J'ai plus de moins chaud, toute la vie devant moi. J'avais des hauts, j'avais des bas. Je crois que je voulais trop, j'aimais oui. Particulièrement habitué à ça, c'est légèrement brillant, le nouveau Stéphane Echer. Ça s'appelle Des hauts et des bas. Dans un instant, les infos de 13h. Europe 2 présente le 28e rallye automoto Paris-Vélizy-Île-de-France avec le Parisien. Des fontaines du Trocadéro à l'Aqua Boulevard de Paris. Participez au plus grand rallye de tourisme d'Île-de-France. Europe 2 offrira aux vainqueurs de nombreux voyages avec promo tourisme. Rallye Paris-Vélizy-Île-de-France, rendez-vous dimanche 16 mai, fontaine du Trocadéro. Inscription, réservation au 39 56 58 58. 39 56 58 58. Ah, dire que je cherchais un bon prétexte pour changer de voiture. Fiat me donne l'embarras du choix. De moins 6 000 francs sur la Uno jusqu'à moins 10 000 francs sur la Croma. Et puis il m'annonce deux journées portes ouvertes, samedi 15 et dimanche 16 mai. Quelle voiture acheter, hein? Ah. Et en plus, elles sont garanties 3 ans jusqu'au 31 mai par Fiat Paris Jaurès, Porte de Pantin, 93 rue Petit, 42 02 10 78. Fiat. Offre non valable sur la Uno Sissai. Picard surgelé, c'est 216 magasins en France. Mais savez-vous que Picard livre aussi chez vous et c'est gratuit. Pour recevoir le catalogue livraison à domicile, tapez 3614 Picard ou appelez le 0504 0500. Le goût, le choix et Picard livre chez moi. Côte d'Armor, les bons côtés de la Bretagne. Vous souhaitez vous dépayser sans aller au bout du monde? Mener la vie de château sans en oublier les légendes? La Roche-Jagut et les 1500 manoirs des Côtes d'Armor vous attendent à moins de 3 heures de TGV. Pourquoi se priver quand le meilleur est si proche? Réservez votre séjour sur 3615 Armor ou en appelant le 05 22 92 22. Côtes d'Armor, les bons côtés de la Bretagne. Aujourd'hui, pour téléphoner de sa voiture ou d'un poste portatif, la vraie liberté, c'est de pouvoir choisir la meilleure ligne. Ligne SFR, le téléphone liberté, lance la ligne SFR numérique, le téléphone mobile européen norme GSM. En ce moment, SFR vous offre 3 mois d'abonnement gratuit. Découvrez la ligne SFR numérique et profitez jusqu'au 15 juin de 3 mois d'abonnement gratuit. Pour connaître votre centre conseil ou votre point contact ligne SFR, tapez 3615 SFR. Du 13 au 16 mai, Honda vous offre une occasion unique de garder la tête froide. Pourquoi? Parce que pendant ces 4 jours, toutes les Honda sont des Honda climatisées. Et une Honda climatisée, ça veut dire plus de plaisir et plus de sécurité. Vitres fermées, vous roulez au calme pour arriver frais et dispo. Attention, durant les 4 jours portes ouvertes du 13 au 16 mai, l'air conditionné est sur toutes les Honda. Il y a même une Civic climatisée à gagner chez votre concessionnaire. Le Music Quiz, le jeu où tout le monde gagne, vous attend jusqu'au 16 mai dans votre centre commercial à prix réduit, moins X% Massy 2. Venez nombreux tester vos connaissances et gagner des week-ends à Venise et une multitude d'autres cadeaux. Moins X% Massy 2, autoroute A10, sortie Palaiseau et Rennes 188. Ouvert du mercredi au dimanche. Dans Tennis de France, tout ce qu'il faut savoir sur Roland-Garros avant Roland-Garros. En exclusivité dans Tennis de France, Henri Lecomte raconte son histoire d'amour avec le public. Dans Tennis de France, les portraits des deux favoris, Agassi et Courir, tout ce qui les rapproche, tout ce qui les différencie. Dans Tennis de France, un guide pratique de 68 pages avec toutes les infos pour mieux suivre Roland-Garros. Tennis de France, spécial Roland-Garros, vient de paraître. Christophe Damron. Oui, merci. Christophe Damron pour la synthèse de l'actualité. Les négociations sont bloquées à Neuilly, tout près de Paris. L'homme armé qui retient 6 enfants et leur institutrice en otage depuis hier matin dans une classe de l'école maternelle Commandant Charcot a interrompu le dialogue avec les négociateurs. Un dialogue qui avait repris vers 10h ce matin après avoir été interrompu dans la nuit vers 3h30 lorsque le preneur d'otage avait demandé qu'on le laisse tranquille pour le reste de la nuit. Charles Pasqua a fait savoir qu'il fallait exclure, pour l'instant en tout cas, le recours à une intervention policière pour dénouer cette crise. L'Assemblée nationale a adopté hier soir en première lecture la réforme du code de la nationalité, principale disposition de ce texte. Il n'y aura plus acquisition automatique de la nationalité française pour les enfants nés sur le territoire de parents étrangers. L'enfant devra obligatoirement faire une démarche entre 16 et 21 ans pour obtenir la nationalité française. Les députés ont été plus loin que le Sénat concernant les mariages mixtes, en portant à 2 ans après le mariage au lieu de 6 mois actuellement le délai nécessaire aux conjoints étrangers pour obtenir la nationalité française. Les professionnels du textile manifestent en ce moment dans les rues de Paris. Patrons et syndicats s'inquiètent de l'augmentation des importations de vêtements des pays asiatiques. Une situation qui a entraîné une diminution de moitié en 10 ans de main-d'œuvre dans le textile. Tous demandent donc au gouvernement un contrôle plus efficace des importations sauvages. Le président François Mitterrand arrive aujourd'hui en Grèce. Un voyage du chef de l'État qui s'inscrit dans le cadre d'une visite d'amitié au cours de laquelle le président sera fait docteur honoris causa de l'Université d'Athènes. Il y a du football ce soir avec un match avancé du championnat de France. Les Girondins de Bordeaux, 4e au classement, reçoivent le PSG actuellement 2e du championnat. Like

je suis triste s'il y va. Partout alors je ne l'entends pas. Mais si j'entends sa voix, je devinerai où il va. Je devinerai où il va. Il faut rentrer. Et puis je vois les mains trembler. Et si le piano s'arrêtait? Et puis s'il ne venait pas? Ou bien alors s'il sonnait chez moi? Un jour il viendra. Je devinerai où il va. Je devinerai où il va. Mais je ne veux plus y penser. Mais je ne veux plus l'écouter. Je vais bientôt aller me coucher. Mais je ne veux plus y penser, non. Le programme Europe 2 et Véronique Sanson avec mon voisin, sa voisine justement, juste auparavant, c'était Pegley et Fever. Tout l'immeuble est au complet. Fabienne Thibault dans un instant et Jerry Rafferty avec Baker Street. Découvrez le nouveau grand jeu cinéma d'Europe 2 sur le 3668 5432. Il y a des centaines de places de cinéma à gagner, valables dans toutes les salles. 3668 5432, le nouveau grand jeu cinéma. Ben, j'attends quelqu'un à dîner. C'est ça, une jeune fille. Un rendez-vous galant. Comment Claire pourrait-elle résister au charme maladroit d'Arnaud, jeune Versaillais un peu timide? Claire, déjà? Je sentais que tu étais une fille très ponctuelle, mais je ne m'étais pas du tout trompé. Hein. Un voisin pot de colle, des frères dragueurs, des amis impromptus, et le rêve s'efface. Oh putain, qu'est-ce qu'elle est bien foutue! Déconne pas. Bonsoir. Bonsoir. C'est ici la fête? Ah non, il n'y a pas de fête ici. Versailles Rive Gauche, un film tendre et hilarant, enfin disponible en vidéo. Gagnez des cassettes de Versailles Rive Gauche en jouant au 3615 Europe 2. Le Music Quiz, le jeu où tout le monde gagne, vous attend jusqu'au 16 mai dans votre centre commercial à prix réduit, moins X% Massy 2. Venez nombreux tester vos connaissances et gagner des week-ends à Venise et une multitude d'autres cadeaux. Moins X% Massy 2, autoroute A10, sortie Palaiso et Rennes 188. Ouvert du mercredi au dimanche. Première, le magazine du cinéma. Festival de Cannes. Première présente tous les films en sélection, avec cette année notre coup de cœur, sur le film La leçon de piano de Jane Campion, qui dans Première parle de la passion, du retour à l'amour et au romanesque. Parce qu'au journal, on aime les acteurs, le cinéma et ses auteurs, et on le prouve. Dans Première, Schwarzenegger, les photos explosives de son nouveau film. Et les deux plus beaux regards du cinéma français, Isabelle Adjani et Catherine Deneuve, symbolisent le festival en couverture de Première. Première spéciale Cannes, 20 francs. Vous avez un rendez-vous important dans une rue inconnue de Paris? Fini les recherches fastidieuses sur un plan. Tapez 3615 Europe 2 et laissez-vous guider. 3615 Europe 2, rubrique Paris-Île-de-France, vous donne immédiatement l'itinéraire à suivre. You were wrong when you thought it held everything. one-night stand, and then he'll settle down in some quiet little town and forget about everything. But you know he'll always keep moving. You know he's never gonna stop moving, 'cause he's rolling, he's the rolling stone. When you wake up, it's a new sun is shining, it's a new morning. You're going le soleil au milieu de programme d'Europe 2. J'ai parlé à mon voisin, c'est un idiot. Il se croit malin parce qu'il est costaud. Il veut toujours avoir le dernier mot sur les femmes, sur les autres, sur ce qu'il me faut. Il suffit d'un verre pour qu'il ait le sang chaud. Il relève les pas et il te prend de haut. Il vient tous les jours me faire son numéro. T'es la bête et le beau, mais t'es zéro.